Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure de votre rendez-vous au Disco Funk. La découverte du jour revient au groupe Double Exposure à son titre 10%. Le groupe initial date de 1961 et connaîtra son heure de gloire dans les années 70, plus précisément en 1976 avec l'album 10%. Il ne connaîtra pas la renommée des hits, mais est en plein dans la période qui nous intéresse. Alors, aux dernières nouvelles, je me suis renseigné, le groupe se produit encore, mais il vit plutôt sur son passé, car leur tout dernier tube date de 1982. Alors, c'était en 1976 et ça donnait ça. We'll be right back. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Pour notre rubrique des 100 hits, on va s'intéresser aujourd'hui à Jamiroquai. À la fin des années 80, les DJ remettent au goût du jour des disques de funk, de soul et de jazz funk pour essayer de contrer le boom de l'acid house et de l'électro. Jamiroquai se démarque de ses contemporains pour ses goûts plus prononcés pour le disco. Il reprendra d'ailleurs durant sa carrière des tubes tels Bad Girl, I Want Your Love et Good Time. Can It Hide, sur l'album Synchronized, est un hommage sans équivoque à cette musique. Une invitation à la danse et assez bien fait salvateur. Les grooves sont toujours aussi rondement menés et des lignes de basse monstrueuses sont posées sur les claviers, donnant un côté électro encore plus flagrant dans les concerts. Ah, ils se font plaisir avec un orchestre à cordes qui rappelle d'emblée les arrangements de Barry White. Alors sur l'album, on va retrouver aussi d'autres titres disco tels Supersonic ou Where Do We Go From Here. Après avoir permis à une jeune génération de découvrir les plaisirs du funk, Jamiroquai est parmi ceux qui ont coloré le paysage musical d'une touche de disco. C'était en 1999 et ça donnait ça. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down. So I've got to hang out on my hang-ups, 'cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Since you know that you can go much faster, I know the paper's talk can be so cheap. Hey, I've got this voodoo child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this blinding gift to use, such that there's no way I lose. I was born to rock and built to last. You never see my feet 'cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm gone. Just dance, hey, got candy in my ears tonight, baby. Quelque chose me dit qu'on va en réécouter du Jamiroquai durant nos prochaines émissions. Alors maintenant, on va continuer notre rubrique de la bande originale. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la fièvre du samedi soir. Alors le morceau aujourd'hui, c'est un des Bee Gees et c'est Night Fever. Alors, il est paru en 1978, en février exactement. Alors je vais vous donner quelques anecdotes autour du film. Alors le film fut un des principaux vecteurs de la diffusion internationale de la musique et de la mode disco. John Travolta en devenant le symbole. La bande originale du film, composée principalement de chansons des Bee Gees, s'est vendue à 40 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas mal quand même. Alors dans le film, il est possible de voir Anne Travolta, la sœur de John. C'est la femme qui arrive avec une pizza. Ainsi que Ellen Travolta, sa mère. C'est la femme pour laquelle Tony Manero, John Travolta dans le film, il prend la peinture, vous savez, dans le magasin. La discothèque que visite Tony chaque samedi soir s'appelle 2001 Odyssée. C'est une référence au film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Allez, on va pas écouter un petit peu les Bee Gees là. Alors pour le maxi du jour, on va accueillir un très grand monsieur. Ah, ça fait longtemps que j'y pense. Welcome, Mr. James Brown. Alors le titre aujourd'hui, bien sûr, sera Sex Machine. Alors le véritable titre est Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Sorti en 1970, issu du double album éponyme, il existe une version longue de 11 minutes. Alors à la base, le morceau, il est coupé en deux.

Jet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors c'est l'heure de la pépite et on va rendre hommage à Fred White, batteur du groupe Earth, Wind & Fire, qui nous a quittés le 2 janvier. Alors il est né en 1955 à Chicago, dans l'Illinois. White avait commencé très jeune à jouer de la batterie. Alors au cours de sa carrière, il a remporté 6 Grammy Awards avec le légendaire groupe de funk, formé en 1969 par son frère Maurice White, lui-même disparu en 2016. On va écouter Boogie Wonderland, sorti en 1979 sur l'album I Am. On arrive tout doucement à la fin de notre émission, alors je vais vous souhaiter un bon samedi, un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous promets, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures de Dr Disco et Mr Funk. Bye bye.